Bonjour à tous, bienvenue dans la première émission des livres et des mots. On est 5 étudiants de l'IUT Nancy Charlemagne et pour cette émission, on a choisi de vous parler de livres et de Noël parce que Noël approche à grands pas et que vous êtes sans doute nombreux à chercher le cadeau parfait pour vos proches. Donc pour ouvrir l'émission, Marie va vous présenter une BD. Eh oui, alors moi qui ne suis pas une grande lectrice de BD, je suis complètement tombée amoureuse de la BD Nils. En fait, c'est une saga écologique à mi-chemin entre la mythologie nordique et les œuvres de Miyazaki. Ensuite, Noémie nous présentera un album jeunesse. Tout à fait, Célia. Je vais vous parler de l'album Le Grimoire du Père Noël de Alice Brière-Aquet, Hélène Brière-Aquet et François-Marc Baillet, qui est une réédition parue le 5 octobre 2018 aux éditions Fleurus. Puis Eva nous présentera un album jeunesse qui nous plongera dans l'univers de Noël. Oui, je vous présenterai le roman Flocons d'amour de John Green, Lorraine Miracle et Maureen Johnson, paru en 2010 chez Hachette. Timothée nous présentera un beau livre, donc qui est le cadeau par excellence. En effet, j'ai envie de présenter un beau livre traitant d'une saga de films qui me tient particulièrement à cœur, et il s'agit de l'encyclopédie visuelle de Star Wars, paru chez Hachette en 2017. Cet ouvrage a pour projet de présenter, avec de nombreuses illustrations, tous les aspects et détails qui enrichissent la célèbre franchise à travers les films et les séries animées. Et toi Célia, de quoi souhaites-tu nous parler ? À la fin de l'émission, je vous présenterai un recueil, donc il s'appelle « Les plus beaux textes littéraires de Noël ». Il est composé de plus de 50 textes réunis par Hélène Cérès. La préface est de Michel Tournier et il est très récent puisqu'il est paru le 7 novembre dernier aux éditions Archipoche. Mais donc avant tout ça, on commence avec Marie. Moi, comme je l'ai dit, je vais vous présenter Nils, qui est paru en 2016 aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose BD. Donc, celui qui a écrit cette merveilleuse BD, c'est Jérôme Hamon. Il a aussi fait les illustrations avec Antoine Garillon. Et le plus génial, c'est que cette BD, elle ne coûte que 14,95€. Donc, pour l'histoire, nous suivons Nils, notre personnage principal, et son père. Alors qu'ils partent à la recherche de réponses à leurs questions concernant la soudaine aridité de leur sol, ils vont découvrir un monde peuplé d'êtres lumineux. Dans l'histoire, ils se nomment les gardiens de la nature. Nils et son père vont, sans le savoir, entrer dans une guerre entre deux clans. D'un côté, nous avons le clan d'Alba, l'autre personnage principal, féminin cette fois-ci. Ce clan est composé de femmes guerrières uniquement, et ça, forcément, on adore. Elles vivent en harmonie avec la nature et les animaux. Puis de l'autre côté, nous avons Sian, une organisation qui veut exploiter la nature en capturant les gardiens dont je parlais tout à l'heure. Sian possède des technologies très avancées pour arriver à ses fins. Et il ne ménage pas du tout la nature et ce qui l'entoure. Ils sont en guerre constante avec le clan d'Alba à cause des ravages qu'ils font à la forêt. Cette BD est un hommage à la nature et je dirais même un appel au secours. Derrière cette histoire et ces magnifiques dessins, nous avons le thème de l'écologie qui est récurrent. Il est même l'essence de ce récit. L'auteur nous peint alors notre société moderne, les écologistes militants sont représentés par le clan d'Alba, la population un peu ignorante illustrée par Nils, et les organisations et l'État par Sion. Nous découvrons un monde inconnu, peuplé de yokai, qui, je le rappelle, sont des créatures surnaturelles dans le folklore japonais, ce qui nous fait penser automatiquement aux œuvres incontournables de Miyazaki. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lu cette BD. Dans la quatrième de couverture, le nom de Miyazaki est indiqué. Et je suis une fan inconditionnelle de ce réalisateur. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs thèmes qui font référence à ce grand nom japonais. Par exemple, nous avons le thème de la nature et de l'écologie qui reviennent énormément dans La princesse Mononoke. Elle se bat pour protéger la forêt où elle vit avec les animaux. Dans la BD, les animaux ont une place essentielle puisqu'ils combattent avec le clan d'Alba, et ils sont même très respectés. On retrouve dans Le voyage de Chihiro un monde peuplé de fantômes et d'esprits incarnés par des animaux. Ils sont donc omniprésents dans le film. Pour finir, on constate dans Nils que les femmes sont de puissantes guerrières, qu'elles sont au même rang que les personnages masculins. On retrouve cet aspect-là dans tous les films de Miyazaki, puisque les personnages principaux sont toutes des jeunes filles et des jeunes femmes. Alors vraiment, si vous aimez les BD ou pas, l'univers de Miyazaki, ou que vous avez simplement envie de voyager, ce livre est fait pour vous. En quelques pages, Jérôme Hamon nous fait découvrir un monde inconnu et nous ouvre les yeux sur le nôtre. Marie, peux-tu nous préciser le public auquel tu destines cette bande dessinée, s'il te plaît ? Alors oui, je conseille cette BD aux ados et aux adultes. C'est une BD pas très compliquée à comprendre, c'est aussi très graphique, les images apportent beaucoup au récit et à l'univers de la BD. Le sujet de l'écologie y est important aussi puisque ça concerne tout le monde, du plus jeune au plus vieux. Ça sensibilise le plus de monde, mais aussi les nouvelles technologies présentes. Avec les nouvelles technologies présentes, il y a une dimension futuriste, mais qui contraste avec le clan d'Alba, qui vit, comme les tribus, avec le minimum. C'est pour ça que je pense que ça pourrait correspondre aux ados et aux adultes. D'accord, merci beaucoup. Et tu pourrais nous dire quel est ton film préféré de Miyazaki ? Alors personnellement, c'est Le Château Ambulant. J'ai découvert ce film en classe à l'école primaire, je l'avais totalement adoré, et je l'ai redécouvert au collège. En fait, c'est l'histoire de Sophie, une jeune femme ordinaire, à qui on a jeté un sort pour qu'elle devienne vieille. Elle se réfugie alors dans le château du magicien Aoru. C'est alors que beaucoup d'événements vont se produire, mais je vais pas spoiler. Ce film est un véritable coup de cœur, je ne peux pas m'empêcher de le regarder plusieurs fois, chaque année. Il est merveilleux dans le message qu'il transmet, les personnages sont tout en couleur, puis l'hommage que Miyazaki rend au Japon. Très bien, merci. Donc maintenant, on va écouter une chanson de The Cook qui est Four Leaf Clover. Sitting in a masculine dress as a kettle whistle blows. Paperback novelette still open and the door is closed. You got a real sick mind. You are confident times. For all the lovers gone blind who are looking for a sign. Avant la musique, on a vu une œuvre destinée aux ados et aux adultes. Noémie, tu peux nous parler d'une œuvre plutôt pour les enfants maintenant ? Bien sûr ! Il faut savoir que Le Grimoire du Père Noël est un album jeunesse cartonné pour les enfants à partir de 3 ans. Il est composé de 78 pages et coûte 17,90€. Alors, si vos enfants aiment cette période de l'année, faites-les découvrir, grâce à cet ouvrage, toute l'histoire sur la belle personne habillée en rouge. Dans ce livre, vous trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Père Noël. Son look, sa mission, son traîneau, son courrier, ses lutins, son atelier de production, sa tournée et même ses moments préférés. D'ailleurs, c'est le Père Noël lui-même qui vous livre tous ses secrets en écrivant à la première personne, ce qui est intéressant car l'enfant pourra se sentir proche du grand homme, un peu comme le confident du Père Noël. Son ton est aussi très intéressant car il a une écriture pleine d'humour et de fantaisie. De plus, ce livre est sympa car il peut se lire par morceaux, ce n'est pas une histoire qu'il faut lire d'un trait. Les explications sont cohérentes, donc si vos bouts de choux se posent des questions sur l'homme ami des reines, ce livre y répondra parfaitement. Dans cet album cartonné, vous voyagerez aussi grâce à de riches illustrations, plus charmantes les unes que les autres. En effet, vous trouverez des images aux couleurs de Noël, des plans et des croquis, sur une belle qualité papier. En plus, les pages étant épaisses, vos enfants ne risqueront pas de les déchirer. Si vous aimez la magie de Noël, venez vous plonger dans ce merveilleux grimoire qui peut faire voyager les petits, mais aussi les plus grands. Alors, pour découvrir comment le Père Noël fait pour être parfait chaque année, infiltrez-vous dans son grimoire personnel absolument passionnant, qui est une très belle œuvre à feuilleter durant les fêtes. Et donc, peux-tu nous donner ton passage préféré ? Bien sûr. Alors, il y a un extrait que j'aime particulièrement. C'est lorsque le Père Noël explique pourquoi sa tenue est rouge. Il nous raconte qu'à l'époque, sa tenue était blanche. Et une nuit, avant qu'il puisse regagner son traîneau, les reines se sont envolées trop vite et sont parties sans lui. Le Père Noël avait beau leur faire des signes, étant vêtu de blanc sur les toits enneigés, les reines ne le voyaient pas. Il a donc dû attendre plus d'une heure avant que les reines ne reviennent et il s'est promis que plus jamais il ne se ferait avoir. Il a donc tout naturellement choisi une nouvelle couleur de tenue et quoi de mieux que du rouge pétant. Je peux dire que c'est vraiment mon passage préféré car en plus d'être intéressant, il est amusant. Les enfants en apprennent plus tout en se divertissant. Alors maintenant on va écouter Tower de Bon Iver. Reste dans l'univers des enfants sur Fadia tout de suite avec Eva qui nous parlera d'une œuvre destinée aux ados et aux enfants, un roman. Oui, le roman Flocons d'amour de John Green, Lorraine Miracle et Maureen Johnson, qui est découpé en trois parties, c'est-à-dire trois récits différents. Nous avons tout d'abord le Jubilé Express, puis un miracle de Noël à pompons, et pour finir, le Saint Patron des cochons. C'est un roman destiné aux jeunes à partir de 15 ans. Il fait 346 pages et coûte 14 euros. Si vous êtes fan de livres de Noël, ces trois petites nouvelles sauront répondre à vos attentes. Les trois histoires sont liées par un point commun, une tempête de neige. Nous retrouvons également les personnages de la première histoire dans la deuxième et la troisième. Les personnages des différentes histoires se croiseront dans un lieu commun à chaque récit. Flocons d'amour se passe un 24 décembre dans la ville de Greystown. Pour commencer, nous avons le personnage de Jubilé qui doit se rendre chez ses grands-parents après l'emprisonnement de ses parents. Mais le train est bloqué et la jeune fille se rend dans un café bondé de pop-pom girls où elle va faire la rencontre d'un garçon qui lui propose son aide. C'est une histoire d'amour douce et légère, plongée dans l'ambiance de fin d'année. Dans la deuxième histoire, c'est un groupe de potes qui fête Noël tranquillement, mais suite à un coup de téléphone, ils vont franchir la tempête pour se rendre dans un café, plus exactement un Waffle House, un café spécialisé dans les gaufres, où se trouvent des pom-pom girls. Une histoire remplie de péripéties et à nouveau une petite histoire d'amour. Et pour finir, la dernière nouvelle se focalise sur une jeune fille qui vient de se séparer de son copain. Elle est considérée comme assez égoïste et ne pense qu'à elle. Cependant, la période de Noël va l'aider à changer et lui apporter de la bienveillance. C'est un livre parfait pour la saison, avec une écriture simple et fluide, ainsi que des personnages attachants et une intrigue aussi passionnante qu'amusante et qui se centre sur les relations amicales et amoureuses. J'espère vous avoir convaincu et bonne lecture. Et si on a apprécié ce livre, est-ce que tu peux nous en conseiller d'autres dans le même genre ? Il y a All I Want for Christmas d'Emily Blaine, une comédie romantique idéale pour les fêtes de Noël. Et What Light par Jay Asher, l'auteur de 13 Reasons Why, une jolie petite romance pour ados plongée dans une ambiance hivernale. Merci. Et donc maintenant nous allons écouter I Like Me Better de Love. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you. In this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time. Better when I'm with you. Better when I'm with you. reste toujours dans la thématique de Noël, avec cette fois un livre à offrir, Timothée ? Alors, comme je vous l'ai indiqué plus tôt, l'encyclopédie visuelle de Star Wars est un beau livre. Il s'agit d'un ouvrage en grand format, qui est donc très imposant, publié dans un papier épais de qualité pour qu'il soit agréable à toucher et qui met beaucoup l'accent sur les images, à l'instar de tous les autres beaux livres qui traitent en général de domaines visuels tels que le cinéma, la nature ou encore la photographie. Pour en revenir au livre que je vous présente, l'encyclopédie visuelle a été conçue pour être un condensé de plusieurs informations, agrémenté d'une grande quantité d'images traitant l'ensemble de l'univers Star Wars. Mais cela ne rentre pas pour autant dans les détails pour ne pas perdre le lecteur qui découvre la saga. Les différentes données qui composent la totalité des 200 pages du livre sont regroupées dans 5 domaines qui illustrent la toile de fond de la saga Star Wars. Nous avons donc la géographie, qui traite des planètes, des régions de la galaxie et des différents types d'environnements que nous pouvons admirer dans les films et les séries avec leurs spécificités uniques. Il y a aussi la nature, qui s'attarde sur les différents extraterrestres que nous rencontrons dans chacun des supports audiovisuels, que ce soit les espèces intelligentes ou la faune qui est composée de prédateurs et de créatures sous ces formes toutes plus variées les unes des autres. Il y a aussi l'histoire qui permet de résumer les grandes lignes de la saga, mais aussi de faire un récapitulatif sur les différents camps politiques, militaires et criminels qui s'opposent ou qui sont alliés. Il y a aussi la culture qui s'intéresse aux éléments qui caractérisent les environnements, leur donnant une identité propre à chacun. Cela peut aller ainsi des tenues vestimentaires des personnages, militaires, techniciens, politiciens, civils, etc., à la nourriture en passant par les pratiques artistiques. Et enfin, la science et la technologie qui constituent la plus grosse partie du livre avec tout ce qu'il faut pour savoir sur les différents modèles de robots, la variété d'armes utilisées par les personnages avec les différents types d'armes, d'équipements utilisés dans toutes sortes de milieux, ainsi que l'ensemble des vaisseaux que nous pouvons voir dans les différents films et séries. Pour conclure, l'encyclopédie visuelle de Star Wars, parue chez Hachette et disponible à 30€, est un ouvrage qui est à conseiller pour toutes les personnes fans de la célèbre saga, ou pas, oui, quel que soit l'âge, en raison du caractère accessible du livre. Celui-ci est richement orné et l'ensemble des catégories sont bien classées, ce qui en fait un livre destiné à être offert à Noël pour tous les amateurs de beaux livres et de science-fiction. Et pour se plonger dans l'univers de Star Wars, si on ne le connaît pas, quel roman tu nous conseilles ? Eh ben, je conseillerais les romans Star Wars parus chez Pocket pour un public adulte et ceux de chez Pocket Jeunesse pour les jeunes adultes. Je vous redirige également vers les BD Star Wars édités par Panini Comics. Tous ces livres ont été écrits par différents auteurs, ce qui fait qu'ils peuvent être appréciés par un public très varié. Bah merci. Donc maintenant, on va écouter une autre chanson de Bon Iver qui s'appelle Michigan. Spring. Vous êtes toujours dans l'émission Délivrer une démo, merci de nous écouter. Donc pour clôturer cette émission, je vais vous parler du recueil Les plus beaux textes littéraires de Noël, présenté par Michel Tournier et paru aux éditions Archipoche le 7 novembre dernier. Donc vous pouvez le trouver en librairie à 6,80€. C'est un petit recueil de moins de 300 pages qui réunit de nombreux textes d'auteurs de toute époque confondus. Donc ça va du roman de Renard à Proust, en passant par Jules Verne, Hector Malo, Émile Zola et beaucoup d'autres grands auteurs. On retrouve aussi bien des extraits de romans que des poèmes ou même du théâtre. Les textes choisis pour composer ce recueil sont vraiment très très variés. En fait, le seul lien entre eux, c'est vraiment Noël et l'hiver. Et en fait, c'est grâce à ce fil conducteur qu'on va vraiment pouvoir voyager à travers les siècles, à travers les genres littéraires, et je trouve que c'est vraiment super. C'est un très très beau livre qui permet à la fois de plonger le lecteur dans la période des fêtes, mais qui lui permet aussi d'enrichir sa culture, parce que c'est vraiment un condensé de grands auteurs classiques, mais les textes choisis ne sont pas forcément ceux dont on entend parler ou même ceux qu'on a étudiés en cours. Comme je l'ai dit, c'est un petit recueil, donc l'avantage de ce format, c'est que ça peut se lire assez facilement et un peu partout. C'est assez pratique pour les gens qui n'ont pas le temps de lire, et même pour les personnes qui cherchent un livre à lire dans le train, parce que finalement les textes ne dépassent jamais une dizaine de pages et ne se suivent pas, si ce n'est d'un point de vue chronologique. Donc c'est assez simple d'interrompre sa lecture. On n'est pas face à un roman avec chaque chapitre qui appelle au suivant. Là, on a vraiment affaire à des textes indépendants les uns des autres, et donc le lecteur se sent pas obligé de lire le livre d'une traite. C'est un livre que j'ai pris plaisir à lire et que j'ai trouvé très enrichissant. Donc le recueil s'ouvre sur la préface de Michel Tournier qui nous parle de deux aspects de Noël. Donc d'un côté l'aspect religieux avec la naissance de Jésus et la légende des rois mages. Et de l'autre côté, l'aspect plus laïque avec le Père Noël et la distribution de cadeaux. Dans cette préface, Michel Tournier va faire un lien en fait entre ces deux univers qui semblent au départ assez opposés, puisqu'il émet l'hypothèse selon laquelle le Père Noël pourrait être le quatrième roi mage. C'est une hypothèse que j'ai trouvée vachement intéressante et surtout une belle manière d'entrer dans ce recueil, parce que cette préface est très bien écrite, pleine de douceur et de références. Et finalement, je trouve que ça annonce très bien la suite du recueil. Parce qu'on a vraiment cette dualité, en fait, d'un côté la douceur et de l'autre les connaissances qu'il nous apporte. Donc après cette préface, on peut lire de nombreux textes, donc il y en a plus de 50 en tout, qui sont ordonnés par ordre chronologique, donc tout genre et auteur confondu, c'est-à-dire que les poèmes sont au cœur des extraits de romans par exemple. J'ai trouvé cette répartition assez intéressante parce que les poèmes nous apportent une touche de fraîcheur dans des textes plus longs et... Merci Célia. Mais tu as dit que c'était un livre qui pouvait se lire facilement grâce à son format. À qui le conseilles-tu ? Je pense que c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout public. Même si le titre des plus beaux textes littéraires peut à première vue refroidir, je pense que c'est un livre qui s'adapte aussi bien pour des publics, pour un public de jeunes lecteurs, puisque finalement la plupart des auteurs présentés sont des auteurs qu'on étudie dès le collège. Après, ça s'adresse également à des lecteurs plus âgés, puisque ce sont à la base des textes écrits pour des adultes, et surtout des textes littéraires très très bien écrits. C'est pour ça que les auteurs classiques sont vraiment intéressants finalement, puisqu'ils ont un côté intergénérationnel. Je pense quand même que c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, parce que ça reste des textes très littéraires, et même si c'est accessible, c'est pas non plus simple à lire. Donc pour répondre à ta question, je dirais que c'est un livre qu'on peut proposer dès le collège et sans limite d'âge, mais seulement à des personnes qui ont déjà l'habitude des livres. Très bien, merci beaucoup. Et tu pourrais nous dire quel est ton texte préféré dans ce recueil ? Alors il y a deux textes que j'aime beaucoup. Donc le premier, c'est l'extrait « La neige » de Émile Zola. Donc dans cet extrait, l'auteur fait une véritable peinture de Paris sous la neige. Donc le texte s'étale sur 7 pages pendant lesquelles l'auteur va alterner entre d'un côté la beauté de la ville enneigée, qui est très pure, qui est comparée à l'innocence d'une jeune fille, et de l'autre côté un Paris beaucoup plus sombre qui est presque funèbre. Et donc le deuxième texte, cette fois c'est un poème, c'est le poème Les Sapins de Guillaume Apollinaire qui est extrait du recueil Alcool à la base. Et donc ce poème, je l'ai trouvé très très doux et il nous plonge vraiment bien dans l'esprit de Noël, doux et beau. Notre émission est maintenant terminée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. On espère que vous trouverez le cadeau idéal pour vos proches et on vous souhaite de bonnes fêtes à tous. On se quitte avec la fabuleuse musique de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come.